À l'occasion de la journée du soleil, Bunyang Vorati, secrétaire général du comité central du Parti révolutionnaire populaire Lao et président de la République démocratique populaire Lao, a fait parvenir une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. L'ambassadeur Lao en Corée, Pongkam Intabwari, l'a transmise le 10 avril à un cadre coréen intéressé.